On est au sol, donc on prend un peu un moment de sentir notre contact général, on touche le sol. Et spécifiquement, prendre le moment de trouver la location de pousser les épaules et les hanches. Fais un peu le tour de trouver les deux épaules et les deux hanches. Et si on a trouvé les deux épaules et les deux hanches, on peut imaginer que si on fait les lignes entre les deux hanches, et après entre la hanche droite et l'épaule droite, et après entre les deux épaules, et après entre l'épaule gauche et la hanche gauche, ça fait une sorte de, c'est pas un carré, c'est une quadrilatérale. Une forme avec quatre côtés. Et donc, avec cette image, ça fait une forme avec quatre coins. Et de noter les distances entre la hanche droite et l'épaule droite, cette ligne, par rapport avec la ligne de la hanche gauche et l'épaule gauche. Un qui est plus long. Ça peut-être va indiquer une certaine forme de colonne vertébrale, une forme de cou. Et aussi la distance entre les deux hanches. Et les distances entre les deux épaules et les distances entre les épaules et les distances entre les hanches, lesquelles est les plus longues? Et donc cette forme de quatre coins, et ça fait une sorte de feuille, on peut dire, une sorte de feuille. Et est-ce qu'il y a un coin de cette feuille qui fait une sorte de courbe ou s'appuie plus sur un côté, peut-être c'est une hanche plus, peut-être c'est une épaule, mais il n'est pas complètement plat. Et dans votre sensation de vous-même, comment il est pas, oui, tordu ou comment ça tord, comment ça. En Feldenkrais, parfois on utilise ces images de simplification des relations entre différentes parties du corps. Parfois on travaille avec cinq lignes, les lignes de la colonne vertébrale, les jambes gauches, les jambes droites, le bras gauche, le bras droit, une forme très simple. Et parfois, on travaille avec cette image pour mieux comprendre l'organisation du torse, on peut dire, ces quatre points entre les épaules et les hanches. Et par rapport avec cette forme de quatre côtés, c'est où la colonne vertébrale par rapport avec ça? Et Venir vers le sens de respiration. Et de poser une sorte de question, comment je respire sur les quatre côtés de cette forme, gauche, droite, bas, haut. Et aussi, on peut ajouter le devant et derrière. Et de laisser ça et plier les genoux pour avoir le plante de pied au sol. Et de choisir un côté, on va allonger son côté et c'est à votre choix. Prendre une décision et allonger sur un côté. Et vous pouvez prendre un petit coussin pour la tête quand vous êtes sur le côté. Et d'avoir les genoux devant vous à peu près à 90 degrés par rapport avec les hanches. Et c'est un peu comme vous êtes dans une chaise. Les jambes pliées, les pieds, et le bas de jambes aussi pliées. Donc les genoux sont devant les hanches et les pieds sont en bas. Très bien. Et on va avoir les deux bras devant nous longs avec les paumes de main ensemble. Et doucement, on va glisser la main qui est en haut. On va la glisser un peu plus loin vers le sol devant vous pour glisser au sol. Le bras en bas, il reste plus ou moins tranquille et le bras en haut, ça avance, la main avance vers le sol. Vous pouvez glisser au sol jusqu'à ce que vous êtes confortable. Vous pouvez aller si loin que vous voulez. Si vous restez dans le confort. Et après, vous revenez vers la position neutre. On revient avec les deux mains ensemble. Et on va répéter ce petit mouvement quelques fois. Et de poser des questions de, en faisant ça, qu'est-ce qui passe avec ces quatre coins? Qu'est-ce qui passe avec l'épaule, la hanche, les épaules, les hanches? Peut-être le mouvement est un peu plus prononcé sur le côté qui est en haut. Il y a aussi de permis la tête d'adapter à le mouvement, les yeux d'adapter. Et de la prochaine fois que vous reviennent vers vous avec la main, une petite pause et après vous allez dans l'autre direction avec la main qui est en haut et vous caressez l'intérieur de ton avant-bras, ça glisse vers le poitrine et tu peux continuer jusqu'à ce que ça touche la poitrine et qu'aller vers sa propre épaule. Et tu peux commencer d'un peu de rouler la tête pour... Donc ça, la main qui est en haut, il glisse jusqu'à la poitrine, il traverse la poitrine, il allait dans son propre... Il va toucher son propre épaule. Et il peut même ouvrir derrière un petit peu. Tu peux ouvrir les mains vers derrière toi. On reste dans le confort. Et après, on revient par le même chemin. Et de Portez votre attention à la manière que cette forme de quatre poutres, les quatre coins bougent en faisant ça. Vous pouvez répéter. On revient vers nous avec la main qui est en haut. Nous portons notre attention sur les 12 épaules, les 12 hanches. Combien de participes? Et la prochaine fois que vous revenir vers derrière et que tu ouvres le bras derrière, vous pouvez rouler sur le dos et de prendre une pause allongée sur le dos. Ouais, allongez les jambes, peut-être repositionnez-vous pour être sur votre matelas. Si vous voulez, vous pouvez enlever le coussin pour la tête pour avoir une idée plus claire de comment vous êtes sur le dos. Et donc, votre sensation. Comment vous savez, comment vous sentir, avec quel côté vous êtes allongé? C'est quoi la trace de ça dans votre sensation maintenant? Et de rouler sur le haut côté, on va sur le haut côté dans la même position. Et d'avancer un petit peu la main qui est en haut, de glisser devant vous. Et de revenir. Et ça va être une sorte de mouvement de référence pendant la séance. On va faire ce mouvement quelques fois. Et au début de séance, on a fait sur un côté. Maintenant, on est sur le deuxième côté. Et on peut porter notre attention vers les différences qu'on sent en respectant les différences. D'observer. Donc on va avancer les bras un petit peu et après on peut commencer aussi de venir vers nous avec les mains. Ça caresse les autres bras, ça revient vers la poitrine, ça ouvre éventuellement vers derrière. Et on a les quatre coins. Les jambes peuvent participer dans une manière qui les hanches, le bassin peut bouger. Et on peut poser cette question de comment je suis sur ce côté? Comment je me sens? Comment la tête et les yeux participent peut-être, peut-être aussi une question dans le mouvement. Qu'est-ce qui passe avec cette forme de quadrilatérale? Je pense qu'elle comment ça se tourne, comment ça s'inspirale. Et si vous êtes confortable, vous pouvez rester sur ce côté. Si c'est pratiquement pas confortable, vous pouvez changer de côté et de continuer le prochain mouvement sur l'autre côté. Et on prend une petite pause ici. Et on va changer comment on a les bras. On va poser le paume de main qui est en haut au sol, haut sur le coude de l'autre bras, pour avoir l'avant-bras de le bras qui est en haut, plus ou moins perpendiculaire au sol. Tu vois, le coude va être devant notre épaule, plus ou moins. Et l'avant-bras, le paume de main va être au sol, à peu près au niveau de notre coude qui est au sol. Et notre coude qui est en haut est flottant, il est orienté vers le plafond. Donc il est devant l'autre épaule, il est devant ton épaule. Donc l'avant-bras, il est perpendiculaire au sol. C'est-à-dire que on va venir un peu plus avec le bras dans une position plus comme ça, plus ou moins. Ça veut dire perpendiculaire au sol. Mais tu peux rester sur les autres bras comme tu préfères. Mais l'idée que c'est ça, c'est devant l'épaule. Donc on va avoir l'avant-bras qui est le bras en haut, qui est plus ou moins perpendiculaire au sol, ouais. Un truc comme ça, et ça, tu peux poser les mains sur l'autre, ou pas, tu peux explorer différentes possibilités de placement de main, et l'idée que c'est l'épaule, et le coude est devant l'épaule. Et on va avancer un petit peu le coude devant nous, c'est bien, ça va, j'étais en train de donner les autres indications aux autres. Et les mains, tu peux bouger parfois, tu peux être ici, peut-être au-dessous. Les autres bras peuvent rester longs, plus ou moins. Okay, les mains ici peuvent bouger. Tu peux poser dans différents endroits, ça dépend. Et on va avancer un petit peu le bras qui est en haut. Et le coude va aller devant nous. Et les mains restent au sol. Leurs mains restent au sol. Et on avance le coude un petit peu et on revient. Et tu peux tester différentes positions de la main. Peut-être tu peux même mettre sur un point. Mais l'idée que c'est l'avant-bras est plus ou moins perpendiculaire au sol. Je sais pas si ça va pour le niveau de confort pour toi. Donc ça reste ici, la main reste ici, et c'est le coude qui avance et qui retire. Et tu peux poser la main ici, tu peux tester différentes positions, mais quand tu la poses, tu la poses. Le sol, ça peut être devant le visage, je ne sais pas exactement, ça dépend de vous. Et donc on va avancer un petit peu le coude et revenir vers nous et ça va faire glisser l'omoplate. On va un peu essayer de sentir comment la distance entre le bord de l'omoplate et les colonnes vertébrales ça change. Ils viennent plus loin et après ils viennent plus proches. Et on va continuer ça, mais on va imaginer que aussi on va incorporer que les genoux, ils font un mouvement parallèle, on peut dire. Donc quand le coude avance, les genoux, ils glissent sur les autres genoux un peu dans la même direction. Devant, et qu'on retire et on revenir vers nous avec l'épaule, avec la coude, le genou aussi il glisse vers nous. Et les pieds restent ensemble, et l'effort c'est pas vraiment dans les jambes, l'effort il est un peu plus dans le torse, si on imagine que c'est comme une ouais, comme toutes choses qui sont vraiment connectées mécaniquement. Et de continuer ce petit mouvement, d'aller vers devant et vers derrière, mais d'avoir l'idée que les jambes, le genou, est plutôt le moteur. Le coude aller avec, mais c'est plutôt le genou, hanche, qui fait le moteur. Donc c'est le genou qui glisse vers devant et après il glisse vers toi et le coude il le suit et l'aller avec. Et ça fait un mouvement avec ces quatre coins, avec ce quadrilatéral. Il y a les deux points qui sont plutôt au sol qui fait une sorte de charnière. Et les quatre qui sont en haut, qui avancent et qui retirent. Okay. Et de prendre une pause, de rouler sur le dos. Et de sur les hautes cultures. On prend la même position avec les bras acquis en haut, avec les paumes de main, soit sur le haut de bras, soit au sol. Et tu as le droit de tester différentes positions. Tu peux faire un petit peu en position avec les mains. Tu peux changer pour être sur les poignets. Et on va explorer ce mouvement sur ce côté. On avance un petit peu le coude. Et on revient vers nous avec le coude. Sentir le mouvement de la omoplate. On peut être attentif de comment les quatre points bougent dans ça. Et on peut ajouter l'idée que le genou va aller avec même temps, même distance. Un peu vers toi, un peu vers. Et de continuer avec ça, et de poser des questions autour de comment le colonne vertébrale il est porté par cette forme, et comment la tête et le cervical peuvent aussi participer ou voler ou être un peu mobilisé par ça, même si c'est tout petit. Et on va explorer une autre option de prendre une mini pause. Et on fixe les genoux ensemble. Comme ça, les genoux, ils ne glissent pas. Et on fait juste avec le coude. Le coude d'épaule. Le coude et l'épaule avancent un peu. Et revient, tire vers toi. L'épaule peut même glisser un peu derrière. Et on permet la tête peut aussi un peu, il peut bouger, il peut voler. Mais du point de les hanches, ça reste plus ou moins fixe. Ça, c'est l'image avec laquelle on travaille, que ça, c'est fixe. Et de faire une petite pause. Et de maintenant, de bouger le genou et la hanche, et c'est le bras qui est fixe. Donc, paume de main au sol. Le coude dans l'air et on glisse les genoux un peu devant, un peu derrière. Et comment on s'organise pour avoir le bras plus ou moins fixe. Et est-ce qu'on peut le laisser la respiration participer quand même si le bras reste au même endroit dans l'espace. Et de nouveau, on fait ensemble, les deux ensemble. Okay. Et on prend une pause, allongez-vous sur le dos. Prendre un petit moment juste pour sentir notre contact avec le sol, comment il est maintenant après cette partie de la scène. Et cette leçon, elle suit un peu un thème autour de la connexion entre les membres, les parties plutôt distales et les parties plutôt proximales du torse. Et on continue un peu un thème dans lequel on était la semaine dernière aussi. Comment les bras, où les bras commencent, où les jambes commencent, c'est un peu un thème pour moi toute cette trimestre, on peut dire. Comment ils sont liés avec le mouvement de la entre les distales et les proximales. Et on va allonger sur le haut de côté. Donc on change de côté. Et cette fois-ci, on va peut-être on fait un petit mouvement de test, un peu de mouvement de référence de début. De poser une main sur les hautes et juste d'avancer un petit peu et après de revenir vers nous et de nous caresser jusqu'à qu'on passe derrière, juste pour sentir comment on sent avec ça maintenant. Et après d'avoir fini dans votre temps, on va juste poser les bras qui sont en haut sur notre côté, on peut dire, sur le côté, sur notre flanc, les mains, le poignet vers. En fait, le bras peut être soit avec les mains vers la fesse, qui est un peu juste là, ou peut-être l'avant-bras peut être sur la taille. Un peu et de main devant, c'est le plus confortable pour vous. C'est pas particulièrement important, mais sur votre flanc, plus ou moins. Et maintenant, on va commencer un petit mouvement d'avancer un petit peu l'épaule qui est en haut. On avance un petit peu l'épaule. Et on le revenir vers nous, vers la position neutre. Et on avance l'épaule, on revient. Et après, on peut aller vers derrière un petit peu avec l'épaule. Et on revient au neutre. Quelquefois. Déjà, on peut poser des questions. On peut commencer de faire dans les deux directions et on peut poser des questions comment la hanche participe. De nouveau, on va avoir l'idée que la hanche allait avec l'épaule. Quand l'épaule avance, la hanche va aller un peu devant et quand l'épaule allait derrière, la hanche qui est en haut, elle roule un petit peu vers derrière. L'idée d'être en confort, le bras va plus ou moins rester sur le flanc. On peut sentir aussi qu'est-ce qui passe avec notre relation avec le sol, la hanche et les bras qui sont proches du sol. On va venir aux positions neutres et faire une petite pause au milieu. Et on va fixer la hanche de nouveau. Et on va juste avancer un petit peu l'épaule. Et on revient. Après, on va fixer l'épaule et on va aller un petit peu vers derrière avec la hanche. Après, on va venir vers une position plus ou moins neutre, on peut dire. Et en même temps, on va avancer l'épaule et on va aller vers derrière avec la hanche. Et après, les deux reviennent au milieu en même temps. C'est un petit mouvement, c'est pas nécessaire de faire un grand mouvement. Après, on va venir vers une position neutre. Et après, on va partir derrière avec l'épaule et devant avec l'hanche. Comment on s'organise que c'est facile, et après on revient au neutre. Et on peut faire continuer cette relation d'opposition, mais on peut aller avec la hanche devant, derrière, on peut passer la position neutre, on peut dire, mais ça reste une direction opposée. Et on revient aux positions neutres. Et de nouveau, on fait un petit mouvement dans la même direction. Les deux avancent. Les deux allent un peu vers derrière. Et un peu dans une manière très simple, très douce, un peu comme quelqu'un était en train de te bercer. Tu fais même un peu plus vite peut-être, un peu plus doux. Et un peu comme tu étais en train de te bercer. Ok. Et allongez-vous sur le dos. Et de passer sur l'autre côté. Avec les bras sur le flanc. On peut commencer juste à avancer un petit peu et de retirer devant et derrière avec l'épaule. Et on peut aller devant et derrière déjà avec les hanches aussi, pour rejoindre l'épaule. Dans la même direction. Et ça reforme cette forme de quatre côtés. Ça change, ça, la distance entre l'épaule et la hanche, ça change légèrement, peut-être sur les deux côtés. Et même, on peut continuer ce mouvement d'avancer et de retirer le hanche et le bras. Et on peut imaginer que le moteur de ce mouvement, c'est la hanche et les bras qui sont au sol. On continue, mais le moteur, c'est plutôt Et c'est une sorte de sensation qui m'intrigue beaucoup, qui est une sorte de glissement de les os qui sont au sol, dans le fascia, un peu vers, un peu plus loin de nous, et un peu plus vers nous, et ça, c'est une autre manière de rouler au sol en relation avec le sol. Et ça fait activer les charnières dans quelque sens de faire ça. Les os qui glissent dans le pot. Et on va aller en position vers le neutre. Et on va juste fixer un petit peu la hanche. Et on fait juste l'épaule. Devant et derrière. Et souvent, quand on a cette question de contrainte, de dire une chose est fixe, comment on peut organiser cette chose sans bloquer la respiration, sans être rigide dedans? Comment on peut être si souple dans une contrainte que dans un mouvement? Ou si doux? Bien sûr, ça va limiter l'amplitude du mouvement total, mais ça va pas forcément limiter la douceur ou la souplesse. On fait une petite pause. Maintenant, l'épaule fixe, les deux épaules fixes, bien, et la hanche devant et derrière. Il y a cette question de qu'on fixe quelque chose dans l'espace, comment réorganiser tout pour maintenir cette position de quelque chose. L'espace interne de la poitrine. On revient vers le neutre. Et si nous envie, on peut d'abord imaginer, et on va partir dans la direction opposée, l'épaule devant et la hanche derrière, et l'inverse, l'hanche devant, l'épaule derrière. Si ça aide, on peut imaginer un tout petit peu avant qu'on démarre. Pour être clair sur notre mouvement. Dans la semaine dernière, on avait exploré cette idée de quelque chose qui bouge simultanément en relation. Et même dans ce mouvement d'opposition, on peut s'intéresser sur l'idée que ce n'est pas un qui bouge et après l'autre, c'est que les deux parts dans la direction opposée en même temps, la même amplitude même, et ils recroisent le milieu, le neutre, en même temps, et ils repartent dans les autres directions avec la même amplitude et temps. Et de laisser ça et de faire dans la direction ensemble, un truc comme ce petit bercement, quelqu'un qui te berce, ensemble, hanches, l'épaule avance vers le niveau de bercement. Même fait peut-être un petit peu plus rapide le bercement, un peu plus doux, mais plus petit, mais un peu plus rapide pour avoir une sorte de laisser aller. Et de rouler sur le dos. Rouler sur les autres côtés. De poser les bras qui sont en haut sur la hanche, la main qui est vers la fessie. Et on va avancer un petit peu les bras dans la direction du en bas, ça veut dire vers les pieds, et de revenir dans une direction, ça, l'épaule va être plus loin de l'oreille, et après on revient et l'épaule va venir plus proche de l'oreille. Et le bras juste va glisser sur le flanc. Et donc c'est un mouvement du bras, mais déjà vous pouvez sentir comment l'hanche participe, comment ça bouge en relation avec l'hanche. Et on peut continuer, mais avec l'idée que quand l'épaule va descendre vers la hanche va venir vers l'épaule. Donc ça, le côté qui est en haut va tous être un peu plus courte sur le côté. Et après, quand l'épaule vient vers l'oreille, aussi la hanche va descendre dans l'autre direction. La hanche, il se rapproche, il se loin. Et on peut sentir que peut-être il y a la même chose dans quelque sens qui passe sur le côté qui est au sol. Ou il y a quelque chose qui correspond avec la hanche et l'épaule qui est au sol. Une côte. Poser des questions, est-ce que on peut bouger aussi la hanche et l'épaule dans la même direction? De C'est-à-dire que quand l'épaule est vers l'oreille, la hanche aussi va monter vers l'oreille. Est-ce qu'on peut faire ça? Et qu'on descende la main vers dans la direction des pieds, est-ce que le bassin peut aussi descendre dans la direction des pieds? La hanche, si on veut. Vous allez dans la même direction. Pas un vers le haut, mais sur la même direction. Et de nouveau, un vers les hautes, le s'éloigner, l'épaule vers la hanche vers l'épaule, après il s'éloigne, un vers l'autre. Et de prendre une petite pause. Et de passer sur les autres côtés. D'allonger vous sur les autres côtés. La même idée, on met le bras sur l'hanche, sur le flanc. Et on commence d'allonger les bras vers la direction des pieds. Et après, on monte l'épaule vers l'oreille. On peut incorporer le mouvement de la hanche, dans le sens que quand l'épaule descend, la hanche va monter vers l'épaule. Et quand l'épaule monte vers l'oreille, la hanche descend un peu vers les pieds, s'éloigne. Et la relation avec le sol va être assez dynamique aussi, le côté du sol va être assez actif. Il y a un côté de torse qui plie. Et les autres qui s'allongent. Et on peut aller dans la même direction. Ça veut dire que la hanche va monter vers l'oreille en même temps que l'épaule monte vers l'oreille. Les deux descendent vers les pieds. De prendre une petite pause juste sur le côté. Et de poser l'avant-bras plutôt vers la taille pour le moment, sauf que si c'est beaucoup plus confortable sur l'hanche, on peut explorer, mais je recommande sur la taille pour l'instant. Et donc on avait fait les différentes directions axiales, on peut dire, devant, derrière, haut, bas. Et maintenant, on va commencer à explorer un mouvement circulaire. On fait une sorte de cercle avec l'épaule. Et laisse la hanche participer. Peut-être il fait une cercle avec dans sa propre manière, mais tu laisses la hanche plus aussi bouger, plus. Attention plus vers l'épaule, et tu peux changer les directions de l'épaule si tu as envie. Et de laisser l'épaule un peu plus passive ou secondaire. Et on fait un petit cercle avec l'hanche, puis en haut. L'épaule peut participer, mais il le suit. Il fait comme il veut avec, et c'est pas fixe. On n'essaie pas de le fixer dans l'espace, on juste laisse un peu suivre le mouvement. Peut-être qu'il fait aussi un cercle avec, en fait. C'est le moteur dans l'hanche. Et dans quelques sens, on fait un cercle avec les deux. On explore l'idée de faire un cercle avec les deux. Okay. Et prendre une petite pause. Et je ne vais pas donner énormément de détails à comment faire, parce que ça peut prendre beaucoup de mots et qui ne sont pas forcément utiles. Et on va faire un cercle avec la hanche et l'épaule, mais pas dans le même. Pas en même temps, au même moment. Ça veut dire pas dans la même phase. Et c'est à vous d'explorer. C'est pas. Vous pouvez avoir l'idée que c'est peut-être même dans la direction opposée, ou c'est un qui est en bas, en haut en même temps, mais c'est à vous de clarifier, d'explorer, de poser un peu des intentions claires ou de juste essayer. Et on fait des cercles, mais pas en même. En général, quand on marche, c'est comme ça. Et quand on fait du salsa. Ok, de laisser ça et juste faire un petit mouvement de bercement devant, derrière. Très simple. Et de rouler sur le dos. Et après sur le côté. Donc on pose l'avant-bras autour de taille, plus ou moins, ou peut-être sur l'hanche, c'est plus confortable pour vous. Et de prendre un petit moment pour vous de imaginer les cercles. Et d'imaginer de faire deux cercles ensemble. Et après de la paix. Commencez de faire un cercle avec la hanche et la paix. Ici, c'est pas clair, fais juste avec un. Et laisse l'autre suivre. Juste très clair dans l'image de un. Et de faire une petite pause et d'avoir l'image d'un cercle qui est pas dans la même phase. Et de le faire. Et de laisser ça et de rouler sur l'autre côté. Posez les deux bras devant vous. Les mains ensemble. De glisser une main devant, la main qui est en haut, et après de revenir un peu vers vous, et de sentir comment ça aide maintenant. Ça forme cette quadrilatérale. Et de placer la main qui est en haut, plutôt à côté des genoux. Et de avancer, de glisser la main un peu plus loin et un peu plus vers toi. Et de noter la manière que ça forme cette quadrilatéral, et la forme de la côte, du dos. Et après, de poser les mains un peu devant le visage, un peu plus haut même. Et de faire la même chose dans cette simple, si on avait imaginé qu'il y avait une grande cercle, une horloge au sol, mettre plutôt vers là-haut devant, et on essaie là-bas de sentir comment ça bouge autrement. Donc on glisse la main un peu plus loin de nous, au sol, comme nous avons envie d'attraper une feuille de papier qui est au sol, et après on revient avec la main qui est en haut. Et après, on va poser les bras même au-dessus de la tête. Les mains au-dessus de la tête, les bras peuvent même être sur l'oreille. Enfin, les bras sur l'oreille, les mains au sol, au-dessus de la tête. Donc, les bras sur l'oreille, pas les mains. C'est le bras est long qui touche le sol. Le bras est long. La main touche le sol, pardon. Pas le bras, mais la main touche le sol. Donc le fond de main même, toi est plus, si c'est confortable, tu es ouais, plus comme ça. Et tu glisses la main un peu plus loin au-dessus de la tête, comme tu as envie d'attraper quelque chose qui est vers le mur au-dessus de la tête. Et tu reviens. Et dans cette position, on peut aussi, on peut commencer d'aller derrière avec la hanche et on peut et l'épaule et voir si on roule derrière avec la hanche. Ça peut peut-être tourner la paume de main vers le plafond. Donc on roule un peu vers derrière avec la hanche, l'épaule roule et la main aussi va rouler dans l'espace pour voir la paume de main. Et après on peut avancer la hanche vers devant pour rouler la paume de main vers pour toucher le sol. Et on peut laisser ça et on peut poser le bras derrière nous, derrière le bassin. La main au sol, n'importe quel, comme tu as envie. Et à partir d'ici, tu peux glisser la main un peu plus loin. Et après, revenir vers toi. Et la hanche peut ajuster, la tête peut rouler. Et on va juste quelques fois, bon, peut-être juste un mois, on va voir. On va commencer de faire un grand cercle avec la main plus ou moins au sol. Ça veut dire qu'on passe derrière nous, dans la direction de la tête, et le corps, tout le corps peut rouler un peu vers le dos un petit peu, ou le plus, pour être confortable, c'est pas un, donc on va forcer la tête pour rouler, le bras pour être au sol, ou si ça se lève parfois, c'est ok. Mais en tout cas, l'idée c'est de, même si on a cette cercle, l'idée que c'est le cercle qui est exprimé par la main, il est basé sur un mouvement dans le torse. Et le plus possible, le poids du bras peut rester au sol, il glisse au sol. Il glisse le plus possible. Si tu en comptes les endroits que ça, il faut que tu te lèves, tu le lèves. Tu peux enlever ouais, le truc pour la tête, peut-être ça embête. Tu peux glisser sur les jambes, ça glisse. Si tu as envie, tu peux changer de direction. Et la prochaine fois que tu passes vers le dos, tu peux rouler sur les autres côtés. Et fais un peu le même genre d'expression avec l'autre bras. Commencez de avec l'idée de faire une sorte de cercle autour de vous. Prends du temps, peut-être juste tester. Si ça commence à être beaucoup, vous pouvez juste imaginer un cercle ou tu peux juste avancer un petit peu dans quelques positions. Ou juste faire quelque chose de très simple. Ou si tu as envie, tu peux en douceur commencer d'explorer un grand cercle. Et comment ça reforme le torse, la relation entre la hanche, les quatre points, cette feuille, le quadrilatéral, comment les différentes lignes, ils s'allongent, ils se raccourcissent, et comment on peut soutenir le bras et avec le torse et être moins concerné même par la position du main et plus par le soutien par l'action du torse. des hanches et le bassin. Donc la position finale de le bras est moins importante. Il est soutenu complètement par le torse. Et on va laisser ça, et on va s'allonger sur le dos. Enlever le coussin pour la tête si c'est confortable pour vous. Allongez sur le dos. Juste sentir notre quatre points, les deux épaules, les deux hanches. Le sens de longueur du bras et de manière qu'ils sont posés au sol. Quand vous êtes prête de plier les genoux, de rouler sur le côté et se mettre debout. Un moment simple debout et après d'avoir pris un moment plus simple pour juste pour sentir les effets dans la position debout, vous pouvez aussi bouger un peu comme vous voulez pour quelques moments. De marcher ou de vous exprimer dans l'espace aussi. Dans le sens de bouger comme tu veux. Si tu as envie aussi d'aller au sol,